Huitième chapitre, le mobilier breton. Il a été écrit quelques ouvrages sur les meubles anciens des provinces riches d'argent, de style et d'imagination, comme la Normandie, la Provence, la Lorraine, etc. Nous allons tenter de fixer la physionomie et l'histoire des meubles rustiques dans une province de médiocre aisance comme la Bretagne, où les artisans huchiers et menuisiers ne manquaient ni de goût ni de talent. Aucune monographie sérieuse n'existe sur ce sujet. Nous allons donc observer sur le vif ce qui est encore la méthode la plus féconde. On a fait remarquer justement au sujet des costumes, des broderies et des coiffes que les tailleurs et les brodeurs villageois se sont inspirés des habits de leurs seigneurs qu'ils interprétèrent et accommodèrent pour leur modeste clientèle. Devrons-nous croire à la grande influence du mobilier du château et de la gentilhommière, et les métairies ne furent-elles remplies que d'imitations plus ou moins grossières? Nous ne le pensons pas, et nous en donnerons la raison. Aux besoins particuliers de la vie rustique, devaient correspondre des inventions nouvelles ou des adaptations spéciales. Les sièges délicats, les lits d'apparat trop vastes, les armoires et les tables fragiles ne pouvaient convenir aux paysans qui n'avaient ni l'argent pour les solder, ni la place pour les loger. À leur rude vie, à leur nécessité, à leur conception du confortable et de la beauté solide, nous devons l'originale collection d'un mobilier rustique souvent apprécié des amateurs d'art. Nous n'avons pas la prétention en cette étude de remonter à l'an 1000, ni d'imaginer des mobiliers ruraux qui n'existent pas, qui n'ont peut-être jamais existé. Des preuves certaines nous sont fournies que la plupart des meubles de campagne aujourd'hui admirés dans les musées ethnographiques ne datent que du XVIIe siècle. De prétendus coffres à grains de style gothique ont été menuisés sous le règne de Louis XIII. En l'absence de tout document certain, nous avons résolu de limiter cette enquête à ce que nous connaissons bien, à ce que nous voyons, à ce que nous avons acheté nous-mêmes et mis à l'abri de la destruction. C'est uniquement la biographie du mobilier de campagne que nous voulons tenter depuis Louis XIII jusqu'à nos jours, en bornant ce travail au Morbihan, au Finistère et au Trégorois. Ajoutons de suite que le mobilier de la Haute-Loire, du Haut-Limousin et de beaucoup d'autres provinces rappelle celui que nous allons décrire. Ce n'est réellement qu'à partir du règne de la poule au pot que les paysans des provinces pauvres ont commencé d'introduire chez eux les diverses pièces d'un mobilier qui, d'abord copie vulgaire des bahuts et des coffres seigneuriaux, devait bientôt s'écarter de ces modèles et devenir original. Sous Louis XIII, nous assistons réellement à l'éveil du confortable dans toutes les classes de la société. Les fauteuils et les armoires de ce style font encore prime chez les collectionneurs et les artistes. À cette date, un Français put enfin s'asseoir moelleusement, douceur inconnue aux âges antérieurs. Le faste de la cour du roi Soleil eut un contre-coup bien inattendu sur la fabrication des meubles rustiques. Obligés de vendre leurs forêts aux paysans et aux petits propriétaires afin de trouver l'argent nécessaire pour figurer avantageusement à Versailles, les gentilshommes contribuèrent indirectement à l'amélioration des intérieurs de leurs vassaux. Les huchiers et les menuisiers sculpteurs, qui avaient du bois ouvrable en grande quantité, fabriquèrent à cette époque une bonne partie des meubles de campagne qu'on admire encore. Le luxe pénétra pour la première fois chez les laboureurs, mais ce n'est réellement qu'au XVIIIe siècle que les fermiers eurent l'orgueil de posséder un ensemble de meubles ornés avec goût, menuisés avec art. Malgré des travaux tendancieux qui voudraient nous faire croire que les cultivateurs de l'Ancien Régime vivaient tous dans la détresse, les inventaires après décès de cette époque nous renseignent exactement sur le mobilier dont ils disposaient. Les lits. Violet le Duc nous apprend qu'au Moyen-Âge, le peuple couchait sur des grabats qu'aucune menuiserie ne contenait et n'exhaussait. Mais au XVIIIe siècle, une forme de lit-armoire dite « lit clos » prédomina dans les campagnes. Le plus ancien type de semblable lit fermé que nous connaissons serait celui où, d'après la légende, Saint Yves aurait couché à Kermartin. Ce lit monumental se compose essentiellement d'une couche montée sur un châssis enfermé dans une sorte d'armoire profonde et élevée. Quand le paysan veut dormir, il pousse les portes à glissière de son armoire-lit, il monte sur les couvertures, referme derrière lui les panneaux qui le clôturent, et là, enfermé dans une sorte de caisse, qu'aèrent seulement quelques trous découpés dans la façade, il repose. Nous avons cherché à nous expliquer la raison qui fit adopter ce modèle étonnant de lit. Les progrès de la pudeur et le désir d'éviter les promiscuités du Moyen-Âge purent seuls amener les paysans à l'introduction de ces armoires à sommeil. Comme encore aujourd'hui, la plupart des fermes ne se composent que d'une salle ou deux et que les fermiers, leurs enfants, leurs valets et leurs chambrières doivent reposer dans la même pièce, il fallut bien imaginer des cabines d'isolement pour le déshabillage et le repos. Le lit clos résolut le problème. D'un autre côté, comme c'est un meuble assez encombrant, l'invention fertile des campagnards superposa souvent deux ou trois tiroirs à ces lits, c'est-à-dire que l'on coucha les uns au-dessus des autres les habitants de la métairie. L'espace en superficie devait être économisé dans ces logis encombrés d'outils, d'animaux, d'ustensiles ménagers et de nombreux habitants. Chaque évêché possédait des lits clos différents quant à la façade, mais semblables quant au principe et à la forme. Ces façades se composent essentiellement de quatre panneaux ajourés de fuseaux de buis disposés en roues, une corniche simple ou à deux étages de fuseaux, avec une nichette en fronton pour placer la petite Vierge en faïence de Locmaria Quimper, surmonte les panneaux. Deux montants, souvent moulurés et guillochés, sont réunis par des planches simplement menuisées qui assujettissent ces façades. Une rainure sous la corniche et une rainure sur la longueur du lit permettent aux deux panneaux centraux de glisser et, par conséquent, facilitent aux paysans la rentrée dans l'intérieur de son lit. Les artisans, depuis le commencement du XVIIIe siècle à l'année 1850, se sont évertués à varier à l'infini la devanture de ces lits. La surface offerte permettait des variations sans nombre et ils en ont tiré souvent un merveilleux effet décoratif. Le modèle classique se compose d'une corniche à une rangée de fuseaux, de quatre panneaux ornés chacun de deux roues de fuseaux séparés par deux ajourages en ligne et d'une simple moulure sur les montants. Dans le même genre, on trouve des façades plus remarquables par le nombre et la finesse des ajourages. À propos des fuseaux de buis, si libéralement distribués dans le mobilier rustique, réfutons une erreur généralement commise qui assigne une origine bretonne aux meubles semblablement décorés. Ce sont les artisans de Paris qui, sous Henri II, employèrent à profusion le bois tourné. Les ouvriers armoricains ne firent donc qu'emprunter, 100 ans après, ce motif de décoration. Avec des outils rudimentaires et des tours sans précision, les habiles menuisiers villageois arrivaient à construire des chefs-d'œuvre. Par exemple, ils enfermaient une première petite roue dans une seconde et ils les séparaient par trois rangées de fuseaux. Certaines devantures de lit clos renferment un millier de ces fuseaux groupés en roues, en éventail, en demi-cercle, en corniche. Souvent des guillochages, des fleurettes sculptées, des représentations d'animaux semés le long des montants à la manière du gothique grimaçant, viennent enjoliver ces meubles. Nous avons rencontré un type assez rare de lit à trois panneaux. Il n'y a que le panneau médian qui glisse, mais une petite porte à charnière est dissimulée à la hauteur de la tête du dormeur. Cette ouverture qu'une clavure intérieure retient est dite « porte du malade » et servait à soigner la personne couchée, à lui passer de la nourriture. On imagine en effet l'extrême difficulté de communiquer avec des mourants séparés de l'extérieur par cette clôture. D'ailleurs, en cas de mort, on enlève le corps et on le dépose sur le banc-coffre qui accompagne invariablement le lit et sert d'escalier pour atteindre à la couche. Un médecin, M. D., nous assurait qu'il avait pris le parti héroïque de sauter sur le matelas et de s'enfermer avec ses malades afin de pouvoir établir son diagnostic. Les lits les plus clos sont ceux de l'ancienne province de Léon, remarquablement ornés de sculptures représentant des fleurs, des feuillages, des figures, des dessins géométriques ou des attributs de la Renaissance. Ils n'ont pour toute ouverture que le monogramme JHS, dont les lettres découpées en plein bois fournissent la petite quantité d'air qui empêche les gens de mourir asphyxiés pendant leur sommeil. Ces meubles anti-hygiéniques comptent parmi les plus beaux par l'art de la composition sculpturale dont ils sont la preuve. Chaque menuisier sculpteur de village se distinguait toujours par une invention qui aidait à le suivre à la trace dans ses travaux. Par exemple, il imaginait un ornement, un pot de fleurs treillagé à anse tournée qui contenait des marguerites. L'artisan qui avait trouvé ce motif le reproduisait à satiété, si bien que, poursuivant une enquête dans le pays de Vannes sur les meubles rustiques, nous avons pu retrouver de commune en commune des lits et des armoires de la main de cet ouvrier qui ne sut jamais dessiner régulièrement les deux côtés de ses vases. La technique de ces menuisiers manquait souvent de science, mais l'extraordinaire bonne humeur de ces façades, où les petits oiseaux sautillent à la cime des lys ou des feuillages stylisés, fait pardonner l'insuffisance du métier. Les fabricants du mobilier rustique ne possédaient guère d'ateliers. Presque tous venaient menuiser à la journée dans les maisons. Le paysan qui les employait leur installait un établi dans un coin de hangar et leur fournissait le bois. Ils apportaient seulement leurs outils. On les payait à la journée 4 à 6 sols et la nourriture. Ils couchaient souvent à la ferme et demeuraient chez un même cultivateur 6 à 12 mois, le temps de construire tout un agouvreau, c'est-à-dire les meubles neufs destinés à être donnés en présence de noces à des mariés qui s'installaient dans une métairie. Jusque vers 1850, les menuisiers ruraux ont été ainsi des journaliers errants qui allaient de village en village cherchant à s'occuper. C'est à ce système que nous devons les pièces les plus belles du mobilier rustique. Peu pressés par le temps, ayant souci de produire une menuiserie parfaite, d'ailleurs encouragés par les fermiers qui prenaient plaisir à voir éclore les bouquets, les animaux ou les ornements, ces journaliers, pour qui la vie n'était qu'une seule et interminable journée de travail paisible, avaient à cœur de se surpasser et de satisfaire ainsi l'orgueil de leurs employeurs. Les conditions de la vie moderne ont tué à tout jamais cet art familier. Les lits de campagne ne furent pas toujours à glissière. La mode prévalut dans certains pays de supprimer les panneaux et de découper la façade suivant des formes de nacelles. Parfois, comme dans le pays de Guéméné, les fuseaux sont conservés en corniche et en bordure, et des sculptures naïves agrémentent les côtés. Ces devantures ouvertes sont voilées par des rideaux coulissés. C'est un bien petit progrès au point de vue pratique, car le matelas rebondi atteint presque le plafond, et il faut se couler tête en avant pour gagner sa couche. Nous avons remarqué le peu d'influence des styles de l'époque sur la facture du mobilier villageois. Ce n'est que sous le Second Empire que des lits ouverts furent décorés de colonnes appliquées et de cuivre reproduisant parfois des aigles. Nous ne dirons qu'un mot des lits à baldaquin qui, s'ils furent introduits chez les cultivateurs aisés, ne constituent que des reproductions plus ou moins heureuses des meubles en usage dans les seigneuries. Les bancs. Il y a d'abord des bancs de lit qui, quoique meubles séparables, forment dans la réalité partie intégrante du lit clos. On les place devant et au-dessous des panneaux. Leur couvercle se soulève. On empile dans ses coffres les vêtements usagés. Leur devanture est souvent d'un joli travail qui reproduit un motif du lit clos. Plus ordinairement, de longues moulures courent le long de ce meuble robuste. De chaque côté, les pieds débordent et, réunis par une rangée de hauts fuseaux, forment accoudoir. En dehors des bancs tosselles, ainsi nomme-t-on dans les côtes du Nord ces coffres-sièges, il y a toujours devant la table à manger deux bancs très simples, quelquefois à dossier, et dont la planche transversale qui réunit les pieds forme étagère. On y place les chaussures. Dans l'âtre, à l'antique manière, sont placés de chaque côté de la pierre du foyer et sous le vaste manteau de la cheminée deux bancs à pieds inégaux, les uns reposant sur le sol de la salle, les autres raccourcis afin de maintenir l'horizontalité du siège, appuyé sur l'énorme dalle de granit qui est légèrement évidée au milieu à l'endroit du feu. Les chaises furent inconnues chez les fermiers. On les rencontre seulement chez les artisans et les boutiquiers de village. Le tabouret formé de trois branches d'arbres enfoncées à force dans un billot porte le nom de bréchet. Plus simplement, les paysans roulent des billes de bois ou utilisent à l'usage de siège des souches rondies à la hache. Les armoires. Elles furent infiniment variées quant à la forme et quant à la taille, qui demeura toujours subordonnée à la hauteur des plafonds. En Normandie, hautes salles, grandes armoires. En Vendée, en Bretagne, maisons basses, petits meubles. L'armoire rustique succéda tardivement au bahut Renaissance, qui succédait lui-même au coffre bardé du Moyen-Âge. Jadis on empilait le linge, dorénavant on le plaça. L'ordre entrait dans la maison avec le bien-être. Les armoires rustiques se ressentirent d'abord du souvenir des bahuts. Leurs premiers battants furent courts et le bas de la caisse très remontant et mouluré à gros relief. Nous pensons que l'époque de Louis XIII vit se généraliser l'emploi des armoires dans nos campagnes. Ce règne inaugure réellement les temps modernes dans les villages jusque-là demeurés entièrement gothiques dans leur construction et leur existence. De même qu'on doit aux architectes de ce commencement du XVIIe siècle l'invention des grandes fenêtres et des larges escaliers, de même le confortable et le luxe rayonnèrent jusqu'au fond des plus humbles campagnes et les cultivateurs commencèrent à vivre comme des hommes après avoir existé 1000 ans comme des bêtes de peine. Des observations nous feraient croire que sous Louis XIII et Louis XIV, on sculpta peu les armoires, par contre on les guillocha et on les moulura. On ne craignait pas alors de prendre des planches de 5 à 6 cm d'épaisseur en cœur de chêne pour fabriquer les meubles. Les panneaux sont d'une menuiserie assez savante. Dans des petits châssis formant cadre, des planchettes à relief feuillagé sont introduites à titre décoratif. Ces châssis sont de plus en plus longs à mesure qu'on descend. La caisse est ornée de moulures en forme de cadre à profil avancé. Des guillochures et une baguette gainée ornementent les montants et les traverses. Ce modèle de menuiserie à petits encadrements autour de ronds tournés et de feuillages marque bien cette époque du mobilier rustique. Le ciseau et la gouge n'ont alors qu'un rôle secondaire. Par contre, la menuiserie est d'un travail remarquable que les ébénistes modernes, aidés par un outillage mécanique, n'ont pas dépassé. Notons aussi dans tout ce que nous écrirons au sujet des meubles villageois qu'il est prudent de ne pas leur assigner une date exacte. Les styles sont fort embrouillés même dans les monuments de nos bourgs et l'on doit se montrer circonspect à plus forte raison devant les témoins d'un mobilier sans histoire pour notre vieille Bretagne. L'armoire à diamants et gâteaux tournés semble avoir occupé une place prépondérante dans les métairies au XVIIe et au XVIIIe siècle. Des losanges à gros relief ou des triangles taillés comme des diamants, puis des sortes de couronnes tournées décorent les battants épais de ces armoires qui sont d'un robuste effet. Quelquefois, un ouvrier exceptionnellement habile formait école dans un pays et ses apprentis, devenus compagnons à leur tour, copiaient ses armoires. À la fin du XVIIIe siècle, un menuisier de Saint-Barthélemy utilisa si bien la feuille de chêne dans ses motifs d'ornementation que les ouvriers de la région l'imitèrent et le mobilier de cette contrée se signale par cette particularité. Saint-Barthélemy aux environs de Pontivy. Les armoires sculptées furent innombrables, chacune d'elles se distinguant de sa voisine dans les campagnes où ne dominait pas un style. Tandis qu'en Normandie, tous les meubles de la bonne époque se ressemblent, parce que des maîtres enseignaient une tradition et des compositions presque immuables. Dans les provinces pauvres et sans grande relation de seigneurie à seigneurie, la libre fantaisie régnait, et chaque menuisier traduisait de son mieux sa manière de concevoir son art. Une fois, dans une ferme des environs de Serent, dans le Morbihan, le cultivateur qui nous montrait une armoire gracieusement sculptée nous communiqua un document établissant de quelle façon le motif en avait été composé et combien ce meuble avait coûté. C'était un compte de famille provenant du bisaïeul du propriétaire actuel. Il était inscrit sur cette feuille que le journalier Yves Nicole avait mis 88 journées de 4 sols chacune pour menuiser et sculpter l'armoire, le fermier qui l'employait lui ayant remis un bouquet de giroflées pour qu'il s'en inspirât. Il avait dessiné et composé ses panneaux d'après ses fleurs. Les tables huches. De tout temps, la table des paysans a été un meuble complexe unissant les avantages du garde-manger, de l'armoire, de la huche et enfin de la table. Le modèle le plus courant enclôt les quatre pieds de la table. Cela forme une espèce de buffet s'ouvrant par un bout. À l'intérieur, il y a une étagère. On y met les pots à lait, le beurre, les galettes, le lard. À l'autre extrémité, un tiroir fixe qui déborde contient cuillères et fourchettes. Souvent, le dessus de la table est à glissière. Le fermier tire le plateau et découvre une vraie huche établie entre les pieds du meuble. Dans ce cas, on y ramasse jusqu'aux énormes miches de métail. Les plus perfectionnés comportent à la fois des tiroirs latéraux et une porte sur l'un des bouts. Jamais ces meubles ne seront confortables parce que les genoux sont arrêtés par le coffre formé par la huche table. Et cependant, nous lui garantissons une longue durée, car l'espace économisé est considérable et il semble trop naturel aux paysans de serrer dans la table ce qu'on aura mangé dessus quelques instants auparavant pour espérer qu'ils adopteront bientôt la mode de ville. Les coffres d'horloge. Si Julien le Roy et le Pôte furent les pères de l'horlogerie française sous Louis XV, il nous faut probablement attendre les premières années de la Révolution pour voir les premières horloges s'introduire à la campagne. Pour ce qui est des départements bretons, nous avons rarement vu de cadrans datés antérieurement à 1835. Le grand coffre n'a forcément été inventé qu'après le mécanisme qui a permis à un pendule aussi long de se mouvoir dans un si petit espace. Dans les premières boîtes rustiques, on devait retirer la partie supérieure qui coiffait l'horloge lorsqu'on voulait la remonter. D'abord carrée, les cadrans furent arrondis et les coffres empruntèrent au style Louis XVI leurs gracieux contours. Ce qui séduit dans ces boîtes, c'est leur parfaite proportion. Souvent, des coquilles et des chicorées les décorent, mais la marqueterie l'a emporté dans la faveur des villageois à ce point qu'aujourd'hui, si vous visitez un horloger de ce chef-lieu de canton, vous trouverez sa boutique emplie de boîtes ornées sur la face et les flancs d'horribles marqueteries en couleur. Autrefois, on se contentait d'employer deux ou trois bois différents en losange et de dessiner sur le panneau central une sorte de parquet. Les piliers des angles de la corniche furent tournés en spirale ou laissés droits. Souvent, cette partie épouse la forme de l'horloge. Quelquefois, les coffres avaient un œil de bœuf en verre de bouteille, placé à la hauteur de la lentille du pendule, et le cuivre étincelait et grossissait en passant devant cette loupe. Les berceaux. Dans presque toutes les fermes, vous remarquerez posé sur le banc de lit des fermiers un berre ou berceau. Le vieux mot français « berre » continue à prédominer dans le langage des paysans gallos. Ces berceaux ressemblent ordinairement à des mangeoires pour les chevaux. Ce sont de petites caissettes dont les planches du haut et du bas se prolongent et sont taillées en demi-cercle afin qu'on puisse bercer l'enfant. Voilà le berre le plus rustique. Lorsque les morceaux cintrés s'appliquent sur quatre pieds et sont rapportés, on les nomme les sabots du berceau. Très souvent, la tendresse des parents enjoliva ces petits meubles. Les quatre pieds sont alors tournés et les planches de la caisse sont moulurées et sculptées. Des roues et des ajourages de fuseaux sont souvent placés sur les côtés. Le besoin de soustraire les petits-enfants aux piqûres des mouches a incité des mères inventives à recouvrir les baires d'arceaux qui se montent à frottement et qu'on recouvre d'une toile en guise de rideau. Est-il besoin de rappeler que les amateurs de vieux mobilier recherchent ces gracieuses couchettes pour les transformer en jardinières? Les baires modernes sont simplement fabriquées comme des boîtes à bascule. La construction en est robuste parce que les paysannes emportent parfois avec elles et déposent dans l'air abattre, le sillon ou le pâtis, leur enfant endormi, suivant que leur travail les réclame au champ ou dans le verger. Les buffets. Le style de ces meubles nous laisse croire qu'ils ont été introduits relativement tard dans les campagnes. Nous n'avons pas rencontré un seul buffet qui nous parût antérieur à 1780 ou à 1800. Leur style nous renseigne approximativement. Dans la région de Pontivy, en 1855, on menuisait encore à Neuillac, par exemple, de remarquables buffets dans le style de Louis XVI. Auparavant, c'était l'armoire qui faisait office de garde-manger et recevait avec les assiettes de faïence et les cuillères les mets préparés, le lait et le beurre. D'ailleurs, les victuailles voisinaient avec le linge. Les Provençaux et les Normands connaissaient depuis longtemps les panetières, les garde-mangers et les dressoirs. Dans un grand nombre de nos anciennes provinces, ce meuble parut une nouveauté vers 1750. Il se composa d'une sorte de commode à tiroirs supérieurs et de deux battants lisses. Souvent, un soleil à rayons fut inscrit dans l'encadrement de chaque petite porte. Les motifs d'ornementation dans les buffets varièrent assez peu. Déjà, il semble, aux approches de la Révolution, que les communications plus faciles entre artisans aient amené à concevoir le mobilier sur un modèle uniforme. Entre les créations qui eurent une fortune durable, il faut signaler le style dit de Louis XVI, mais qui réellement dura à la ville jusqu'après la Restauration, sauf l'intermède impérial, et qui se perpétua presque tout le XIXe siècle. Nous ne devons pas nous en plaindre, car le dessin ferme et gracieux de cette époque n'a pas été dépassé, et les meubles qu'il inspira sont aussi remarquables par la sobriété que par la grâce. Les paysans ne pouvaient se contenter d'un buffet qu'ils transformèrent complètement en garde-manger, et il leur fallut placer leurs plats et leurs assiettes dans un vaisselier posé sur le buffet. Cette disposition est courante, elle est née de la nécessité d'avoir facilement à portée de la main assiettes, écuelles, bols et provisions. Il est à remarquer comment les paysans, considérés aujourd'hui comme dénués de goût, savaient concilier le pratique et l'agréable. Les vaisseliers sont composés d'étagères dont les rebords sont formés de planchettes découpées ou plus fréquemment de fuseaux sertis entre deux baguettes. Les assiettes posées sur la tranche pourront ainsi s'appuyer et si leur faïence est peinte en vives couleurs, le meuble entier en acquerra une gaieté charmante.